Gaston Charles Richard, Les joyaux de la cour belge. Chapitre 1. Le 16 septembre 1914 portait à la connaissance des sujets de Sa Majesté la Reine Wilhelmine le message de la souveraine affirmant à nouveau sa volonté de rester neutre dans le conflit européen. Elsa Van Legels recevait à La Haye, où elle résidait depuis la fin de juillet, une visite à laquelle elle ne s'attendait guère. Un matin, en effet, alors qu'ayant achevé sa toilette, elle se disposait à aller aux nouvelles, on lui remit une carte qui portait ce nom, Baron F. von Rogen. Ce baron, à qui déjà elle avait eu affaire dans d'autres circonstances, avait été un ami de son père défunt. Fort surprise de cette visite, Elsa s'empressa de descendre au salon de l'hôtel et trouva le baron en compagnie d'un homme très élégant, légèrement grisonnant, au visage énergique et fin, un peu fatigué, qui paraissait avoir atteint, sinon dépassé, la cinquantaine. Les épaules larges, la taille mince, l'air distingué sans être hautain, l'inconnu était plutôt sympathique. Mais son regard, à la fois fuyant et dur, impressionna la jeune femme. « Ma chère enfant, dit le baron von Rogen en s'adressant à Elsa, je vous présente mon ami, le baron von Schenk, un johanniter comme moi qui désire vous entretenir de choses fort sérieuses. »« Je suis toute disposée à vous entendre, monsieur, dit Elsa. » Chapitre 2. Elle ignorait que le baron von Schenk était l'homme de confiance, l'instrument à tout faire de Guillaume II. Il n'avait pas encore acquis la réputation qui lui valut en Grèce, dès la fin de 1916, sa campagne contre Venizelos, campagne triomphante, qui, en maintenant l'Hellade sur le pied de la neutralité armée et de la paix hostile, en attendant une agression brusquée qui, sans la farouche énergie, le bon sens et la valeur militaire de Sarai, se fût certainement déclenchée, permit à la Bulgarie de se jeter sur la Serbie épuisée par son héroïque résistance et à l'Allemagne d'évincer la Roumanie. « Mademoiselle, dit le baron von Schenk, nous ne pouvons nous entretenir ici au sujet de ce qui m'a conduit à me faire présenter à vous. » « Puis-je vous prier de venir à la légation d'Allemagne tout de suite ?» Elsa s'inclina. Un quart d'heure plus tard, le baron von Rogen ayant pris congé, elle se trouvait seule avec von Schenk dans l'un des salons de la légation. « Mademoiselle, je sais que vous êtes titulaire, comme moi-même, du Noli me tangere que décerne mon auguste maître à ceux qui l'ont bien servi. » C'est pourquoi je viens vous demander de nous servir encore, dit le baron. Dans quel ordre? Demanda Elsa. Je vais vous le dire. J'ajoute que vous serez royalement payé et que vous servirez sous la direction immédiate de ceux qui, à l'heure actuelle, sont les maîtres incontestés de la propagande allemande, von Michaelis, qui est notre ministre à Sofia et qui est appelé aux plus hautes destinées, von Berzelius, qui est à Bucarest, où il fait pièce aux Français, et moi-même. Nous nous bornerons d'ailleurs, sachant quelle est votre valeur, à vous donner des directives, des indications et des renseignements, en vous laissant toute liberté de manœuvre. « Et où devrais-je agir ?» demanda Elsa sans sourciller. « Mais à Londres et dans toute l'Angleterre, naturellement, dit von Schenk. Il y a de gros risques à courir, je le sais, mais vous êtes assez fine, assez habile pour vous tirer des plus mauvais pas. Bref, dit Elsa, il s'agit de me transformer, à Londres et dans toute l'Angleterre, en agent de propagande et de renseignement au service de l'Allemagne. Exactement, répliqua von Schenk. Je ne puis pas accepter, dit Elsa, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis hollandaise et me dois de rester neutre. Ensuite, j'ai fait ma vie en Angleterre et ce serait assez mal reconnaître, avouez-le, la magnifique hospitalité qu'elle m'a donnée en travaillant à la trahir. Enfin, dans un ordre moins moral, je possède un argument qui a bien sa valeur. J'ai été pressenti par l'intelligence service pour m'occuper un peu des agissements allemands en Hollande et j'ai refusé de le faire, arguant pour cela de la neutralité de mon pays. C'est vous dire que, du seul fait de ce refus, je suis devenue assez suspecte en Angleterre. Je ne tarderai pas à être signalée, découverte, et peut-être fusillée ou pendue. Non, merci, vraiment. Bref, c'est un refus, dit le baron von Schenk. Catégorique, cher monsieur, répondit la jeune femme avec son plus clair sourire. Le baron allemand se mordit les lèvres. « Je le regrette, dit-il, mais je vous sais gré de votre netteté. L'acceptation du noli me tangere impérial m'avait fait augurer mieux. Puis-je vous demander de vous restituer ce joyau ? Je n'ai qualité ni pour vous le réclamer, ni pour le recevoir, dit von Schenk avec un peu de hauteur. Ce joyau est une sauvegarde personnelle accordée directement par Sa Majesté et ce serait outrageusement dépasser mon rôle que de vous adresser une telle demande. Non, je veux tout simplement vous prier d'oublier cette conversation et de n'en souffler mot à quiconque. Soyez en paix à ce sujet, dit froidement Elsa. Ma devise est « discrétion et célérité ». Sur ces paroles, elle prit congé du propagandiste impérial. Quelques jours plus tard, elle repartait pour l'Angleterre, où, nonobstant la guerre et l'union de tous les sujets du roi George, les malfaiteurs ne chômaient pas. Chapitre 3. Un soir, seule chez elle, Elsa Van Legel, inactive depuis quelque temps, rêvait au coin du feu. Elle venait de lire les dernières nouvelles des fronts de guerre et pensait avec une acuité douloureuse à tous ces hommes qui, depuis tant de jours, vivaient la vie terrible des tranchées. Elle tressaillit brusquement en entendant résonner la sonnerie électrique de son appartement et prêta l'oreille. À ce moment, le valet de chambre entra. C'était un solide gaillard, un frison robuste, honnête et sûr, en qui elle avait toute confiance. Il présenta à Elsa une carte, et cette carte portait un si grand nom, si connu d'elle, qu'à l'instant même, la jeune femme courut rejoindre celle qui le portait et qui, paisiblement assise, l'attendait dans le salon. Assez grande, encore svelte et bien prise, elle offrait au regard un visage frais et jeune, aux larges yeux sombres, sous un admirable diadème de cheveux blancs. « Altesse royale, » dit Elsa en s'inclinant profondément. « Appelez-moi tout simplement madame, mon enfant, » dit l'auguste visiteuse. « Ne nous embarrassons pas dans les formules de l'étiquette. Je sais depuis longtemps, par ma chère amie Lady Holder, que l'on peut compter sur vous, et dans l'espoir que vous pourrez me le rendre, je suis venue vous demander un grand service. » « Je suis à votre disposition, madame, » dit simplement Elsa. « La mission que je veux vous confier, je ne vous le cache pas, est difficile et périlleuse. Il vous faudra, pour réussir, déployer toutes les ressources de votre magnifique intelligence. Je ne vous demande pas vos conditions, elles sont acceptées d'avance. Mais asseyez-vous, mon enfant !» Elsa, qui, par respect, était restée debout, obéit après une gracieuse révérence. « Vous pourrez, bien entendu, accepter ou refuser ce que je viens vous proposer, car, je vous le répète, la mission est grave et dangereuse que je suis chargée de vous offrir. » Voilà ce dont il s'agit. « Il me faut, poursuivit-elle, pour me faire bien comprendre, remonter au premier jour de la guerre. » Quand on prit, à Bruxelles, la décision d'interdire par la force des armes le passage en Belgique du formidable envahisseur qui allait se jeter sur la France, toute la cour, toute la ville, tout le peuple, vous le savez, se solidarisèrent avec le roi soldat et la reine Élisabeth. Mais hélas, ce n'est pas avec de la grandeur d'âme, de l'héroïsme et de l'esprit de sacrifice que l'on rompt une puissance aussi redoutable que celle de l'Allemagne. Ce que furent les jours de la Belgique envahie, ensanglantée, souillée, livrée aux flammes, vous le savez. Il fallut rompre, rompre encore, sinon fuir, demander aide et asile à la France. Jusqu'au dernier moment, tous ceux qui comptaient là-bas s'étaient serrés autour du roi. Enfin, il fallut abandonner Bruxelles. Déjà, on avait envoyé en France, en Hollande, en Angleterre, des trésors inestimables. Un grand banquier, un ancien ministre, un ingénieur en chef des chemins de fer se chargeaient de l'acheminement et de la mise en sûreté de tout cela. Mais Bruxelles fut occupée si brusquement que les derniers dépôts effectués chez le banquier ne purent être expédiés à temps. Or, il s'agissait d'un lot de pierreries appartenant à un certain nombre de personnalités bruxelloises et de familiers de la cour belge, dépôts s'élevant à je ne sais combien de millions, plusieurs centaines, je crois. Or, les Allemands apprirent vaguement l'existence de ce dépôt. Ils arrêtèrent le banquier et l'ingénieur et les sommèrent d'en révéler l'emplacement. Tous deux, s'y étant refusés, furent arrêtés et envoyés dans un camp de représailles où ils sont encore. Ces deux vaillants, qui avaient tout prévu, furent si brutalement séparés des leurs qui ne purent leur faire aucune révélation touchant les dépositaires de ces trésors, car ils avaient pris la précaution de séparer les pierreries en plusieurs lots, chaque lot étant confié à une personne sûre, mais qui ignore tout des autres dépositaires. Or, par le truchement d'un officier français prisonnier, puis évadé, le banquier m'a fait connaître le nom de l'une de ces personnes. Elle doit posséder dans une cachette des pierreries et des perles qui m'appartiennent. Elle a en dépôt d'autres pierreries appartenant à des personnalités de la ville, lesquelles, je le sais, souffrent en ce moment d'une gêne cruelle. Cette personne m'a fait assurer que le dépôt en question, quoique peu volumineux, représente une somme de 2 millions de livres sterling. Seriez-vous, mon enfant, disposé à aller chercher ce dépôt et à le rapporter ? En ce qui me concerne, j'abandonnerai mon bien aux sociétés belges d'assistance et de secours qui se sont créées en France. Pour le reste, on le restituera à ses légitimes propriétaires. » La grande dame se tut. Elsa demeura longtemps pensive. « Ce sera dur, dit-elle enfin, et je ne suis pas certaine de réussir. Si l'on me pince, ce sera pour moi, sinon le peloton d'exécution, du moins le carcéré d'Ouraud, pendant Dieu sait combien de temps. Et, moi prise, le dépôt sera peut-être pris lui aussi. » Réfléchissez bien, mon enfant. Rien, absolument rien, ne vous oblige à accepter. J'accepte pourtant, Altesse royale, répondit la jeune femme, mais j'entends agir qu'au moment choisi par moi. Chapitre 4. Ce ne fut qu'un mois plus tard qu'Elsa quitta Londres, munie de tous les renseignements qu'elle pouvait désirer. Elle emportait, naturellement, le fameux Noli Métangere, dû à la munificence impériale. Elle se rendit à La Haye, chez le baron von Rongen, qui lui obtint assez facilement un laissez-passer pour se rendre à Bruxelles avec itinéraire imposé, Sluis, Bruges, Gand. Munie d'une lettre personnelle de recommandation pour le fameux gouverneur militaire de la Belgique, le général von Bissing, Elsa partit au jour indiqué sous le prétexte d'aller rechercher à Bruxelles une vieille dame hollandaise bloquée là par la guerre et dont les enfants fixés en Amérique étaient cruellement inquiets. Ce qui, d'ailleurs, était parfaitement exact, au moins en partie, car la famille hollandaise de la vieille dame n'ignorait pas que celle-ci était morte des suites d'un cancer depuis plus de 6 mois. L'automne prenait fin dans la boue, la pluie, la neige, et le froid, chaque jour plus rude, annonçait un hiver précoce. Ce fut un matin, vers 9 heures, qu'Elsa se présenta au poste frontière au sud de Suisse. Derrière les réseaux de barbelés qui longeaient la frontière, des soldats allemands, de 100 mètres en 100 mètres, montaient une garde sévère. Un brouillard glacial pesait sur la terre et voilait le ciel. Son laissez-passer vérifié, son léger bagage inspecté, Elsa fut conduite dans une grande baraque en bois où elle se trouva en compagnie de plusieurs personnes qui attendaient là depuis la veille. Ce ne fut qu'à 5 heures du soir, en pleine nuit, qu'on les fit monter dans un mauvais tramway, point chauffé, aux glaces fêlées, aux panneaux disjoints, et qui demeura encore 1 heure sur place avant de rouler vers Bruges, où ils n'arrivèrent qu'à 7 heures. Là, on les conduisit à la commandanture, où on les entassa dans 2 salles nues et surchauffées. À 9 heures, Elsa fut conduite devant l'officier chargé de vérifier les laissez-passer. Il examina les papiers que lui présentait la jeune femme. C'était un homme jeune encore, au visage régulier, aux yeux froids, grands, et qui portait bien son sévère uniforme de guerre. Mais il lui manquait la main droite. « Vos papiers sont en règle, évidemment, » dit-il à Elsa. « Mais le fait d'être chargé d'une lettre du baron Florent von Drogen pour son Excellence von Bissing ne constitue pas un droit d'entrer dans nos lignes. Qui êtes-vous? Que faites-vous? D'où venez-vous? » « Je me nomme Elsa Van Legels. J'exerce la profession de détective privé à Londres et à La Haye, où j'ai des bureaux. Je suis chargée de rechercher et de retrouver à Bruxelles une certaine Anna Josepha Van Els, » répondit posément la jeune femme. « Je ne me cache pas, vous voyez. » « Détective, et venant de Londres, et vous espérez qu'on va vous laisser circuler en Belgique ?» dit l'officier suffoqué. « J'en suis certaine, » dit Elsa. Bah, pourquoi? Connaissez-vous ceci? Demanda Elsa, qui, se dégantant, montra la médaille du Noli Métangéré à son interlocuteur. L'officier prit le joyau, l'examina, puis dit d'une voix un peu troublée: Je vous demande pardon, c'est la première fois que j'en vois un. Reste à savoir s'il est authentique. Je dois vous demander de me laisser prendre, par télégramme, un supplément d'information. On va garder vos papiers. Je vous prie de me remettre cette médaille. On vous la rendra, tenez-le pour certain. Et l'on va vous conduire dans un hôtel où vous resterez jusqu'à nouvel ordre. Bref, je suis prisonnière, dit Elsa. Non, dit l'officier. Non, mademoiselle, vous n'êtes pas prisonnière. Nous vous retenons simplement ici avant de savoir si nous devons ou non vous laisser gagner Bruxelles. Vous pourrez aller et venir où il vous plaira. « Mais n'essayez pas de quitter la ville sans notre assentiment. Il pourrait vous en cuire, malgré le noli métangéré. » Chapitre 5. Durant 3 semaines, à Bruges, à Gand et à Bruxelles, Elsa dut courir d'un bureau à l'autre avec une patience invraisemblable. Heureusement pour elle, Elsa, qui, à 20 reprises, avait cru ou qu'on l'expulserait ou qu'on l'enverrait en Allemagne, rencontra un jour l'homme qui pouvait lui être le plus utile. C'était un jeune lieutenant-colonel nommé Eldring von Krozer, qui, à Bonn, avait été le condisciple du Kronprinz et appartenait au groupe prussien des Johanniter. Il connaissait Florent von Drogen, avait été son hôte en même temps que le Kronprinz et savait ce que signifiait la médaille du Kaiser, si beaucoup l'ignoraient ou feignaient de l'ignorer. Elsa, à ce moment-là, comptait à peine 32 ans. Très élégante, très sportive, très soignée, elle en paraissait 25 à peine. Le jeune lieutenant-colonel, il ne comptait pas 40 ans, s'est pris d'un beau feu pour elle. Et, à dater de ce jour-là, toutes les difficultés s'aplanirent. Une autre qu'elle eut, tout de suite, mis à profit la liberté qu'on lui laissait. Elsa, trop fine pour se laisser prendre aux apparences, ouvrit l'œil et ne tarda pas à se convaincre qu'on la mouchardait sans répit. Alors, méthodiquement, elle entreprit de lasser ses surveillants et commença de visiter, un par un, tous les hôpitaux, toutes les formations sanitaires, tous les couvents. Partout, elle s'informait de la vénérable Anna Josepha Van Elst. Ce ne fut que lorsqu'elle fut bien assurée que les policiers allemands l'avaient abandonnée à ses recherches qu'elle se décida à essayer de joindre la dépositaire des joyaux qui se nommait Madame Eva de Gertal et était infirmière-major dans une petite clinique chirurgicale de la chaussée d'Alsemberg à Saint-Gilles. Mais comment la joindre sans donner l'éveil? Elle en trouva vite le moyen. Une belle nuit, elle mit en grand émoi tout le personnel de l'hôtel où elle vivait, avec des cris de douleur, des hoquets, des larmes. Elle appela au secours, se plaignait de nausées, de vomissements, d'affreuses douleurs d'entrailles. On prévint la police. Elle envoya un jeune aide-major allemand qui, devant Elsa, pâle, éperdue, gémissante, et plus encore devant la preuve de ses malaises, parla bientôt de crises foudroyantes d'appendicite. Elsa, alors, demanda qu'on la transportât à la clinique de Saint-Gilles, ce que l'on fit le lendemain même. En attendant la visite du médecin, une infirmière donna quelques soins à la patiente. Le médecin, après un sérieux examen, conclut à une préliminaire observation de 72 heures, à la mise à la diète et à l'isolement, par prudence. Il faisait ainsi le jeu d'Elsa, qui, dans la nuit, fit appeler Madame de Gertal par une infirmière religieuse et lui révéla le pourquoi de sa présence. Madame de Gertal, d'abord méfiante, se laissa enfin convaincre. « Mais comment passerez-vous ces pierreries ? » dit-elle. « Vous serez fouillée au moindre soupçon, et fouillée soigneusement, vous pouvez m'en croire. En outre, les pierreries ne sont pas ici, et je ne pourrai pas aller les chercher avant 8 jours, là où elles sont. » « Comment faire ? » murmura Elsa. « Il faut, en ce qui vous concerne, sortir d'ici le plus vite possible, car le chirurgien-major allemand qui visite la clinique est un vieux renard, mal commode et perspicace. » Elsa s'en aperçut le lendemain. « Vous n'êtes pas bien malade, » lui dit brusquement le major. « Les maux dont vous avez souffert, ce sont des troubles dysentériformes, dû à la mauvaise qualité du pain que nous mangeons tous par la faute de ces chiens d'anglais. Ce n'est rien, je vais vous signer votre exéa. Et puisque vous êtes hollandaise, rentrez chez vous, mon enfant, c'est le meilleur conseil à vous donner. » Chapitre 6. La situation d'Elsa était peu enviable. Elle se corsa encore. Un beau matin, un planton vint la chercher chez elle pour la conduire à la commandature. De là, un officier supérieur la conduisit à l'hôtel de ville où, brusquement, on la mit en présence du général-gouverneur von Bissing. Elsa s'attendait à rencontrer un véritable reître, dur, brusque, cassant. Elle trouva un homme du monde, très courtois, plutôt sympathique, élégant, avec un rien de raideur militaire, vite disparu. « Mademoiselle, je sais que vous parlez couramment l'allemand, dit-il, et c'est pourquoi je prendrai la liberté de m'exprimer dans ma langue maternelle, si vous me le permettez. J'ai lu la lettre de von Drongen. Je sais qui vous êtes et quelle est votre valeur. »« Je vous en prie, monsieur le général. » »« Nous avons reçu votre dossier, vérifié tous vos dires, contrôlé toutes vos assertions, surveillé tous vos actes, » continua von Bissing. « Bien vous en a pris de ne pas avoir essayé de nous abuser, car nous n'eussions pas hésité à vous envoyer en Silésie. Nous nous sommes trompés, comme von Schenck s'est trompé, ce qui m'étonne d'un homme aussi fin, et nous le reconnaissons galamment. »« Je vous remercie, monsieur le général, » dit Elsa simplement. « Nous avons demandé sur vous, malgré le noli métangéré impérial, les renseignements les plus circonstanciés. » Nous avons fait vérifier l'authenticité du joyau que je vous restitue et qui, d'ailleurs, en temps de guerre et en pays ennemi, perd, du fait des lois belligérantes, à peu près toute sa valeur. Toutefois, bien que vous ayez avoué venir d'Angleterre et que Schenck vous eût signalé comme faisant probablement partie de l'intelligence service, il vous a fait un peu plus respecter que le commun des mortels. « C'est Kotzer qui a raison, mon cher Horn, » dit-il en s'adressant au major qui accompagnait Elsa. « Mademoiselle a eu scrupule à nous servir, et je le regrette, car vous m'avez mise au courant de l'affaire Otto von Neumann, et à elle seule, elle témoigne de son habileté. Donc, emmenez mademoiselle chez le colonel von Reiter. Et si elle désire retourner chez elle, ses recherches n'ayant pas été couronnées de succès, vous mettrez à sa disposition tous les permis nécessaires. Enfin, si elle ne désire pas partir tout de suite, » von Bissing accentua assez fortement cette phrase, « vous voudrez bien m'en rendre compte. » Elsa sortit, fort inquiète, sur une révérence, et suivit son guide. Elle avait rattaché le noli métangéré à son bracelet. Bientôt, von Horn l'introduisit dans un bureau où travaillait un homme seul qui, à l'entrée d'Elsa, se leva. « Mademoiselle Elsa van Legels, monsieur le colonel, » dit respectueusement von Horn en saluant militairement. Le colonel s'inclina. « Mademoiselle, je suis le colonel Ulrich von Retter et le major Ethel von Horn est mon second. Vous nous connaissez, je pense ?»« Non, colonel, » répondit Elsa le plus candidement du monde. Nous sommes, moi et mon adjoint, les chefs de la première section du service secret des renseignements, dit paisiblement le colonel. Cela vous dit-il quelque chose ? Elsa eut un léger frémissement. Ces deux hommes, elle ne l'ignorait pas, étaient les plus redoutables renseigneurs de l'armée allemande. Mademoiselle, reprit le colonel en avançant un fauteuil, veuillez d'abord vous asseoir. Je sais que vous avez refusé de servir l'Allemagne malgré les très brillantes propositions qui vous étaient faites par von Schenck. Vous avez opposé à ces offres des raisons à la fois pratiques et sentimentales. Êtes-vous toujours dans les mêmes dispositions ? Oui, colonel, dit fermement la jeune femme. Les raisons qui étaient valables il y a 18 mois le sont tout autant aujourd'hui. Neutre, je veux demeurer neutre. Ne voudriez-vous pas vous charger d'une mission quasi diplomatique en France auprès d'une grande dame qui vous a rendu visite à Londres ? Pas davantage, dit Elsa. J'ai refusé à cette grande dame de servir d'agent à la Belgique près de certaines personnalités des Pays-Bas. Comment pourrais-je aujourd'hui me présenter à elle en servant dans le cas adverse ? Voilà donc quel était l'objet de sa visite, fit von Reiter. Nous avons décidément été bien renseignés. Eh bien, mademoiselle, puisque vous ne voulez pas nous servir, ce que je regrette profondément, vous ne vous étonnerez pas si je vous demande de vous tenir prête à quitter Bruxelles dans les 24 heures. Très volontiers, dit Elsa. Je serai prête, monsieur le colonel. Nous sommes bien d'accord, dit von Reiter avec un froid sourire. Dès demain, nous vous ferons reconduire à la frontière hollandaise. Chapitre 7. Rentrée dans son hôtel, Elsa commençait à faire assez mélancoliquement ses valises. Elle n'avait pas revu Madame de Gertal, elle ne savait rien d'elle. Comment faire ? Impossible de lui téléphoner. Aller la voir, c'était la dénoncer. Fallait-il renoncer à agir ? Non, 1000 fois non, se dit-elle. Elle avait remarqué parmi les servantes de l'hôtel une grande fille brune, aux traits assez rudes, mais aux yeux intelligents. Très taciturne, cette fille faisait les gros ouvrages, lavait, récurait, sans jamais répondre aux grosses galanteries des Allemands qui fréquentaient l'hôtel. Elle répondait au prénom de Mieke. Elsa, la rencontrant dans l'escalier, au moment où elle descendait pour souper, lui glissa une livre sterling en or dans la main et lui dit « Venez dans ma chambre quand vous le pourrez. Apportez-moi du bois pour le feu. Je veux vous parler. » « Oui, » dit la fille. Elle vint à 9 heures du soir. « Pouvez-vous, » dit Elsa à voix basse, « me procurer un costume très commun, un châle, des bas de laine, de vieux souliers ? Il faut que je sorte cette nuit pour aller voir une mourante. »« Cette nuit ? Mais il y a des patrouilles dans toutes les rues la nuit, et ils sont méchants, ils vous fourreront en prison. Il y aura 10 livres pour vous si vous me procurez le costume. » Et 100 si vous voulez m'aider un peu plus encore. Comment ça ? Parlez, madame, je les déteste tant, ces boches. Je vous le dirai, écoutez-moi. Elsa parla longtemps. Je veux bien, dit enfin Mieke. Chapitre 8. À 1 heure du matin, Elsa, après avoir mûrement réfléchi, quittait son hôtel. Elle avait bien étudié son chemin. Mais, entre sa demeure et la chaussée d'Alsenberg à Saint-Gilles, la distance à couvrir était longue. Il faisait nuit noire, une nuit boueuse, glacée, où de rares lumières clignotaient dans un halo de brouillard jaunâtre. Ce brouillard la servait. Elle allait, l'œil aux aguets, l'oreille tendue. Déjà, elle avait évité 3 patrouilles quand, à l'angle de l'avenue Albert et de la chaussée d'Alsenberg, elle tomba sur une 4e patrouille, arrêté, faisant la pause. Halte ! Ici, tout de suite ! Cria une voix dure. Elle était prise. Fuir, il n'y fallait pas penser. Elle obéit. Que fais-tu là à cette heure ? interrogea en allemand un jeune aspirant. Elsa haussa les épaules et, en reniflant, avec le plus pur accent wallon, elle dit d'une voix basse et enrouée « Moi, je suis la Yanneke. Je me suis battue avec mon homme. Il m'a donné un coup de pied dans le flanc. C'était ce matin. Et ce soir, j'ai eu si mal que je me suis levée pour aller à la clinique où j'ai déjà été soignée il y a un an, savez-vous ?»« Où habites-tu ? » reprit l'aspirant, en français cette fois. « Oh, loin, derrière la gare du Nord !»« On ne t'a pas arrêté ?»« Oh, 8 fois au moins, j'ai dit que j'allais à la clinique. Gott fer des queues, que je souffre !»« Fais voir un peu ta figure, » dit l'aspirant. Il actionna sa lumière électrique. Elsa avait les traits tirés, les yeux cernés. Des mèches mouillées lui pendaient sur le visage. Mâchurée de noir, les mains sales, les ongles en deuil, couverte de nippes rapiécées, grasse, qui sentait mauvais, elle n'était guère semblable à elle-même. Et une telle expression de souffrance crispait sa bouche que le jeune aspirant eut pitié d'elle. « Où est-il, ton hôpital ? » fit-il. « Pas loin. Dites, faites-moi conduire, s'il vous plaît. J'ai tellement mal que je vais me flanquer par terre si on ne m'aide pas !» gémit Elsa en se ployant en deux. « Et là, Ludwig, Hans, accompagnez cette femme et soutenez-la s'il le faut, » fit l'aspirant. « Nous devrions l'emmener au poste, mais ça fera encore des histoires. Une pauvre fille qui va à l'hôpital, ça n'est pas ça qui mettra en péril l'armée allemande. » « Dépêchez-vous, les deux, là, on va vous attendre !» Elsa partit entre ses deux gardes. L'un la tenait par le bras pour la soutenir, l'autre ronchonnait et remâchait des injures. En 5 minutes, on gagna la clinique. « Merci, les gars !» dit Elsa. Elle leur donna chacun une poignée de main. Chapitre 9. À 6 heures du matin, Elsa quitta la clinique. On lui avait donné un billet de sortie. Et dans les pansements factices qu'on lui avait faits, Madame de Gertal avait adroitement dissimulé les sachets de pierres précieuses, un sautoir de perles, une rivière de diamants, un diadème princier cassé en 3 morceaux. Elle regagna son hôtel en passant par les cuisines. « Hé, la mièque, tu n'es pas en avance !» cria une grosse voix derrière elle. « Dépêche-toi, sais-tu, il y a de l'ouvrage !» Elsa grommela quelques mots indistincts, puis grimpa 4 à 4 l'escalier qui conduisait à sa chambre, où la vraie Mieke l'attendait, non sans angoisse, cachée dans son propre lit. En un clin d'œil, Elsa lui eut rendu ses vêtements, prit sa place. Mieke se revêtit rapidement et courut à la cuisine, pendant qu'Elsa, restée seule, brûlait le billet d'hôpital, les bandes de pansement, cachait les bijoux dans ses bagages, faisait sa toilette, se démaquillait, s'habillait. Elle avait à peine achevé qu'un bruit étrange la faisait tressaillir. Des hommes bottés, en armes, s'arrêtaient à sa porte comme point rude ébranlé. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « Ouvrez, et vite !» répliqua une voix dure. Elle ouvrit et frémit. Devant elle se tenaient un adjudant et 4 hommes, derrière lesquels elle aperçut, avec terreur, l'aspirant qui l'avait arrêté et les 2 soldats qui l'avaient accompagné à la clinique. « Où étiez-vous cette nuit ? » interrogea l'adjudant en allemand. « Dans mon lit, » répliqua Elsa. « Vous mentez, on vous a reconnu à la clinique de Saint-Gilles. »« Mon ami, » répliqua la jeune femme avec hauteur, « je vous engage à parler plus convenablement à une dame que couvre la protection personnelle de Sa Majesté l'Empereur. » J'imagine que si je racontais de quelle façon vous osez me traiter au colonel von Reiter, vous n'y couperiez pas d'une punition exemplaire. Donc, un peu de respect, hein ? On vous a vu ce matin à 6 heures, sortant de l'hôpital, reprit l'adjudant sur un ton plus doux. Qui êtes-vous allé faire ? Et quel est l'imbécile qui m'a vu sortant de l'hôpital ? Fit hardiment Elsa. Moi ! Dit un homme vêtu en civil qui se tenait dans le couloir. « Moi, agent assermenté de la police de sûreté. »« Vous ? Eh bien, vous avez eu la berlue, mon garçon !» dit Elsa en haussant les épaules. « S'il n'y a que ce témoin-là... »« Il y a ces hommes qui vous y ont conduite cette nuit, dit le policier blême de colère. Ils m'ont conduite à l'hôpital, eux ? Cria Elsa en éclatant de rire. Regardez-la bien, monsieur l'aspirant, dit l'adjudant. L'aspirant et ses compagnons regardèrent Elsa avec attention durant une mortelle minute. Elsa ne sourcilla pas. Pour sûr, non, ce n'était pas madame, dit enfin l'aspirant. Non, certainement, appuyèrent aussitôt les deux troupiers. Dans cette jolie femme brune aux yeux clairs, bien coiffée, aux mains blanches, baguée déjà, aux ongles roses et polis, comment eussent-ils reconnu la fille sale et géniarde, la pauvre butte vallonne à la voix enrouée, qu'ils avaient ramassée sur le pavé bruxellois à 2 heures du matin. « Et moi, je maintiens ce que je dis, dit le policier. Je l'ai assez surveillée pour l'avoir reconnue. « Mein Gott !» grommela l'adjudant. « Que faire ?» Il se grattait l'oreille avec embarras. « Tout de même, monsieur l'adjudant, dit le jeune aspirant avec un peu d'irritation, ce n'est pas à une sale mouche civile de nous faire la leçon, à vous et à 3 braves militaires, et à douter de ma parole. Foi d'Otto von Gerngross, je dis que je ne reconnais pas madame. Je dis plus, ce n'est pas elle. Voilà ce que je dis. Et vous, mousquetaire Ludwig Berg et Hans Hoffel ? Nous aussi, dirent les deux soldats. Ce n'est sûrement pas madame qu'on a menée à l'hôpital cette nuit. Et d'où proviennent ces taches boueuses là sur le tapis ? Dit le policier avec colère. Et là, dans le couloir, et dans l'escalier. Hé, elles viennent de mes godasses, bien sûr, dit une voix forte à l'accent flamand. Tous se retournèrent. C'était Mieke, la servante, qui parlait. « C'est bon, dit brusquement l'adjudant. Nous avons autre chose à faire qu'à nous occuper de bêtises. Demi-tour, les hommes. Vous, monsieur l'aspirant, veuillez emmener vos deux témoins. Et vous, l'agent, débrouillez-vous. Faites excuse, madame. Mais je voudrais bien comprendre ce qui s'est passé, dit effrontément Elsa, et savoir aussi de quoi l'on m'accuse, monsieur l'adjudant. » Le sous-officier répliqua à mi-voix, pendant que ses hommes et l'agent de police descendaient l'escalier, sur les pas de l'aspirant et des deux mousquetaires. « La mouche civile dit que vous êtes sorti cette nuit pour aller à l'hôpital, qu'elle vous a vu vous défiler ce matin à la sortie, à 6 heures, qu'on lui a dit, en effet, à l'hôpital, qu'on avait cette nuit reçu et pansé une femme, une servante, que son mari avait rossée et qui se plaignait de vives douleurs dans le flanc et dans le ventre. On ajoutait que cette femme avait été amenée par 2 soldats vers 2 heures du matin, que la femme pansée avait été couchée, qu'elle avait à toute force voulu partir à son travail à 6 heures et que l'on avait négligé de prendre son nom. Alors, pour faire plaisir à la mouche, on a cherché les 2 hommes qui avaient conduit la femme et le sous-officier qui commandait la patrouille. Il n'y a eu qu'à visiter les postes du secteur de Saint-Gilles. La mouche a eu vite fait de les repérer. Voilà tout. Et si ces hommes avaient reconnu en moi la servante rossée par son mari, que m'aurait-on fait ? Demanda Elsa. On vous aurait fourré au bloc pour quelques jours à faire les corvées, pour vous apprendre à trotter dans les rues sans autorisation spéciale, alors que c'est défendu. Là-dessus, au revoir, madame. Puisque ça n'est pas vous, vous n'avez absolument rien à craindre. L'adjudant salua, s'en alla. Elsa, la porte refermée, sentit une sueur glacée l'inonder tout entière. Une courte défaillance la prit et ses jambes furent brusquement si faibles qu'elle dut s'appuyer du dos au mur pour ne pas tomber. Reconnue, arrêtée, ses bagages fouillés, les joyaux trouvés, elle était perdue. Elle alla en chancelant se jeter sur son lit. Mais elle n'était pas encore, ce matin-là, au bout de ses émotions. Chapitre 10. Une heure à peine s'était écoulée depuis le départ de l'adjudant que Mieke, tout effaré, vint prévenir Elsa qu'un officier du grand état-major la priait de le rejoindre dans le salon de lecture. Elle se hâta de descendre et, dans le major qui l'attendait, reconnut Von Horn qui, à sa vue, s'inclina jusqu'à terre. « Mademoiselle, dit-il, son Excellence, le général-gouverneur von Bissing, désire vous entretenir immédiatement et seul à seul. J'ai mission de vous conduire près de lui. » Le mouchard a dû parler, pensa Elsa, qui, tout haut, répondit « Le temps de prendre un manteau et un chapeau, et je suis à vous, monsieur le commandant. » En 5 minutes, elle fut prête, et une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'elle se trouvait en présence de Von Bissing. « Mademoiselle, je m'excuse de vous avoir fait quérir par la force armée, dit en riant le général allemand, mais ce que j'ai à vous dire ne souffre pas de retard. Voyons, pourquoi avez-vous refusé de nous servir comme vous en priez hier Von Reiter après Von Schenk ?» Elsa, de nouveau, exposa les raisons qui la faisaient se dérober à cette flatteuse collaboration. « Et si je vous demandais, comme un service personnel, d'aller porter cette lettre à la personne que vous avez vue à Londres et qui, certainement, la ferait tenir au roi Albert, me refuseriez-vous ?» demanda Von Bissing de sa voix la plus persuasive. « Mon Dieu, Excellence !» murmura Elsa fort troublée. « Je suis évidemment très honorée, mais vous ne devez pas manquer de collaborateurs. » « Il ne s'agit pas de moi, » interrompit Von Bissing. « La lettre que vous porterez n'est pas de ma main. Elle émane d'un personnage tout-puissant. Comprenez-vous » « Noli m'étant guéré, » soupira Elsa. « Oui, » fit Von Bissing. Une joie immense emplissait l'âme de la jeune femme, car le salut lui venait de celui-là même qui pouvait la briser comme un fétu. « Dans ce cas, » dit-elle en s'inclinant, « j'accepte, monsieur le général. » Alors, faites-nous la grâce de déjeuner avec nous, dit Von Bissing tout joyeux. Nous réglerons tout cela ensuite. Par où passerez-vous ? Mais par la haie, je ne puis partir que de là ou de Londres. D'abord, ici, je n'ai rien que des costumes de voyage un peu fatigués. Et je ne puis pas me faire remarquer par une tenue incorrecte, ce ne serait pas le moyen de réussir. « J'avais pensé, dit Von Bissing, vous faire déposer en terre française par un de nos avions. Vous seriez arrivé plus vite. »« Mais ce sont là des procédés militaires un peu hâtifs, dit Elsa. Ma mission étant diplomatique ne saurait souffrir d'un retard de 8 ou 10 jours. Nous n'en sommes pas à une semaine près. » Le déjeuner fut cordial et gai, le menu excellent, arrosé de vin du Rhin, de Bourgogne et de Champagne. Elsa, à la prière de Von Bissing, conta quelques-unes de ses aventures. On était en confiance, entre amis. Bref, il fut convenu que l'un des aides de camp du général-gouverneur, le propre neveu du colonel Von Reiter, accompagnerait Elsa jusqu'à la frontière hollandaise afin de lui éviter le plus mince ennui. On lui remit 25 000 francs en or et en billets français pour prix de sa mission. Et le lendemain matin, la jeune femme, escortée par le Hauptmann Heinrich von Reiter, des hussards de Sa Majesté, montée dans un compartiment réservé que, galamment, Von Bissing avait fait fleurir aux couleurs prussiennes, d'œillets blancs et rouges. Chapitre 11. Le lendemain même, Elsa renvoyait à Von Bissing les 25 000 francs qu'elle avait reçus, ainsi que la lettre qu'elle devait remettre au Havre à la grande dame dont elle avait reçu la visite à Londres et pour le compte de qui elle avait si bien rempli sa dangereuse mission. À l'argent et à la lettre, elle joignait le billet suivant. La Haye, décembre 1915. Excellence. Qu'il me soit permis, au moment où je me retrouve sur le sol de ma patrie, de remercier votre haute excellence des soins dont j'ai été entouré sous son égide et de la parfaite bienveillance dont je fus l'objet. Ces soins, ces protections, cette bienveillance m'ont permis de remplir, à mon entière satisfaction, une mission délicate que l'on m'avait confiée et qui, pour n'être point à des fins militaires, n'en avait pas moins, à mes yeux, une assez grande importance. Je prends la liberté de retourner à votre haute excellence la lettre qu'elle m'a confiée, ainsi que les 25 000 francs si généreusement accordés pour prix de mes futurs déplacements. Je préfère, au voyage mouvementé que votre haute excellence désirait me voir accomplir, le calme et la douceur de mon cher petit pays. daigne votre excellence croire à mes sentiments de parfaite et respectueuse gratitude. Elsa Van Leggels. Von Bissing n'a jamais répondu à ce billet-là, mais quelques semaines plus tard, en remettant ses joyaux à la grande dame qu'elle avait déjà reçue et qui était venue à Londres exprès pour la remercier, Elsa apprenait que la fameuse lettre était tout de même parvenue à son adresse et qu'elle contenait une offre de paix séparée pour la Belgique, offre à laquelle le roi soldat n'avait même pas daigné répondre. Fin de Les joyaux de la cour belge.